c'est encore la squale et tu deviens pâle. C'est une dinguerie, c'est bouscasse squale. T'as le seum, tu me vois sur bouscapé. Ta boîte, tu fais pas de tarpé. Toi, t'as un pipo, t'as un palpé. J't'ai jamais vu charger le peupon. Pourtant, ma gueule, tu pompes de con. Et on te connaît pour des conneries. On pas de la rue, non la vie. Non la vie, non on avoue pas. Fais pas crari, zéro malin. Ensemble, croco, t'es bien tombé. La street, les porcs et le raté. La drogue, la bague va te matraquer. C'est un film d'horreur et c'est gratuit. Ma gueule, j'te parle du vrai Paris. Tu le verras pas à la télé. Du toit, les bleus prennent les clichés. Chacal sourit, gros, t'es filmé. La peine est fermée sans appel. Tu tournes en rond, personne t'appelle. Personne rapique pour les problèmes. Le grade est compte pas traité. La scole compte pas sur leur mandat. J'suis sur la file de gauche, tartine, j'vais tous les dépasser. Les gars, j'ai des pansements en ben, des rois va vous blesser. Entre toi et moi, y'a un fossé. Arrête ma gueule, j'vais t'effacer. T'es fasciné par cet aspect. Moi, j'ai une piquée à chaque poignée. Et pouf, y'a Luna. La scole prépare de la peufra. C'est du frais, t'es fatigant. Remballe ton com, voilà de la vraie. Voilà le gang, la nanba. Du riz, des armes et de la rasba. Des gueules, j'détends, j'vois le décor. C'est réel, une ville hardcore. À 15 minutes, la place concorde. Nos vies ne concordent pas. Connard, c'est un constat. Car j'constate qu'on mange des pâtes et qu'on épate la galerie. Mon rêve, me faire les galeries. Moi, personne m'a gâté. J'partage pas mon gâteau. J'suis tout seul dans le bateau. À vrai dire, j'suis en zodiac. J'bombarde, j'ai pas le track. Le pain de coco, j'les déboîte. À bois, j't'entends pas. J'm'en vais loin, j'ai trop faim. J'les rends tous furieux parce que j'compte les rendre fanants. Rappelle-toi, j'ai fané. Dans le four, j'ai caillé. Pour des cailloux, j'les rendais fous. J'suis fatigué, la PJ. Me le flatte pas, j'veux pas te rater. J'suis en zélie, j'ai une fierté. Toi, t'es qui, tu veux quoi? M'regarde pas, casse-toi de là. T'étais où? J'étais seul. Pas une club, pas une feuille. Mais le feuilleton a changé. Je ne chargerai plus la bonbonne. J'étais bon, mais je rentre pas. Rigolo, la ramène pas. Le raté, c'était le raté. Maintenant, ça se casse, on peut se caper. Let's go.